Lettre 34e. Continuation de la lettre d'Evelina. Howard Grove, 15 mai. Le capitaine est insatiable. Si nous le laissions faire, il tourmenterait la pauvre Madame Duval à mort. Il ne connaît d'autre plaisir que celui de l'effrayer et de la mettre en colère. Il s'étudie nuit et jour à inventer quelques nouveaux stratagèmes. Madame Duval, gardant encore le lit hier matin, ne descendit point pour déjeuner. Le capitaine profita de son absence pour nous donner à entendre qu'il la croyait suffisamment remise et en état de soutenir les fatigues d'une nouvelle attaque. Il était facile de deviner son intention et un coup d'œil significatif jeté à Sir Clément aida encore à l'expliquer. Je résolus d'abord de prévenir de nouvelles entreprises de sa part et je suivis Madame Mirvan dans une salle voisine pour la prier de s'employer en faveur de Madame Duval sans perdre de temps auprès du capitaine. « Ma chère, me répondit-elle, je me suis déjà expliqué avec lui, mais tous mes efforts seront inutiles tant qu'il sera encouragé par les conseils de son ami Clément. Dans ce cas, répliquai-je, permettez que j'aille parler à Sir Clément, je suis sûr qu'il se désistera de ses projets, si je l'en prie. Prenez-y garde, ma chère, il est dangereux quelquefois de faire des prières aux hommes. « Eh bien, madame, souffrirez-vous donc que j'intercède pour Madame Duval auprès du capitaine ?»« Volontiers, et même j'irai le trouver avec vous. » Je la remerciai, et nous sortîmes ensemble pour le chercher. Il se promenait dans le jardin avec Sœur Clément. Madame Mirvan eut la bonté de se charger des premières ouvertures. « Voici, lui dit-elle, une suppliante que je vous amène. »« Et que me veut-elle ? De quoi s'agit-il ? » Je tremblais de le fâcher. Et tout en bégayant, je lui dis que j'espérais qu'il n'était pas question d'un nouveau plan pour tourmenter encore Madame Duval. « Un nouveau plan ? Et croyez-vous que nous reprendrons encore une fois le premier ? Non qu'il n'ait été excellent, mais je doute qu'elle y morde une seconde fois. En effet, monsieur, elle n'a que trop souffert déjà. Et vous me pardonnerez si je vous avoue qu'il est de mon devoir de faire tout ce qui dépend de moi pour prévenir de pareilles scènes dans la suite. » Un air sombre et irrité couvrit son front aussitôt. Il me tourna brusquement le dos et me dit que je pouvais faire ce qu'il me plairait, mais qu'il m'assurait que j'aurais lieu de me repentir de mon zèle plutôt que de m'en applaudir. Cet accueil me déconcerta trop pour être tenté de répondre au capitaine, mais comme je voyais que Sir Clément défendait ma cause avec chaleur, je me retirai et je les laissai discuter l'affaire entre eux. Madame Mirvan, qui a toujours soin de fuir son mari quand il est de mauvaise humeur, me suivit d'abord et me fit, avec sa politesse ordinaire, mille excuses du refus impoli que j'avais essuyé. Je fis après cela une visite à Madame Duval, que je trouvai élevée et occupée à examiner les débris de sa garde-robe. Elle passa en revue toutes les pièces qui avaient servi à son ajustement le jour de sa malheureuse aventure. Chaque lambeau renouvela sa douleur et lui fournit matière à de nouvelles lamentations. Elle était toujours fâchée contre le capitaine, uniquement parce qu'il se plaît à la tourner en ridicule. Madame Mirvan est parvenue à lui faire renoncer au dessein de poursuivre en justice les prétendus voleurs. Une telle recherche n'aurait pu manquer de faire du bruit dans le voisinage et de compromettre le capitaine. Madame Mirvan a représenté à Madame Duval l'inutilité de ses perquisitions, à moins qu'elle ne fût en état de donner des indices plus sûrs, ce qui serait d'autant plus difficile qu'elle n'a ni vu ni entendu parler ceux qui l'ont attaqué. Madame Duval, en me rapportant ces détails, se plaignit amèrement de la dureté de son sort, qui lui ôtait même jusqu'au plaisir de se venger. Elle protesta cependant qu'elle n'empocherait pas lâchement l'affront qu'elle avait reçu, mais qu'elle se consulterait avec M. Dubois sur les mesures qu'il lui restait à prendre contre les coupables. Pendant cette conversation, elle acheva sa toilette. Jamais je ne vis une femme aussi difficile à contenter et d'une coquetterie aussi raffinée. Le soin de se parer semble être sa première occupation. En la quittant, je rencontrai Sir Clément, qui, d'un air fort empressé, me demanda un moment d'entretien. Il ajouta que les choses importantes qu'il avait à me communiquer rendaient cette complaisance indispensable, et sans attendre ma réponse, il me conduisit au jardin. Je refusai absolument de le suivre plus loin que jusqu'à la porte. Il prit un visage sérieux et me dit d'un ton de voix fort grave « Enfin, Miss Anville, je me flatte d'avoir trouvé un moyen de vous obliger et je vais le mettre en usage, quelque peine qu'il m'en coûte. » Je le priai de s'expliquer. « J'ai vu le zèle avec lequel vous vous êtes employé en faveur de Madame Duval, et j'étais sur le point de reprocher au capitaine sa conduite barbare. Mais je dois éviter de me brouiller avec lui, de peur qu'il ne m'interdise l'entrée d'une maison que vous habitez. J'ai fait tous mes efforts pour l'engager à renoncer à un nouveau projet qu'il médite. Mes représentations ont été inutiles, et même il m'était impossible de lui arracher son secret. Ainsi, j'ai résolu de chercher un prétexte pour quitter incessamment ce château, qui m'est devenu si cher, qui renferme tout ce que j'ai de plus précieux au monde. Je retourne à Londres pour laisser au caractère impétueux du capitaine le temps de se ralentir. Il s'arrêta, et je gardai le silence, ne sachant que répondre. Il prit ma main et la baisa. « Faut-il donc vous quitter, miss, sacrifier volontairement le plus grand bonheur de ma vie, sans être honoré d'un seul mot, d'un seul regard d'approbation ?» Je retirai ma main et je lui répondis en souriant. « Vous connaissez trop bien, monsieur, le mérite de votre complaisance pour qu'il soit nécessaire que je l'apprécie encore. Charmante créature, avec tant d'esprit, avec tant de perfection, suis-je le maître de vous quitter ? N'y aurait-il pas un moyen ?» « Comment, monsieur, vous repentez-vous si vite du bien que vous prétendiez faire à Madame Duval ?»« À Madame Duval, cruel, vous ne souffrez donc pas seulement que je vous fasse honneur du sacrifice auquel je vais me résoudre ?»« Monsieur, vous l'attribuerez à qui il vous plaira, mais je suis trop pressé pour demeurer plus longtemps avec vous. » Je voulus m'en aller, mais il me retint de force. « Si je ne suis donc pas assez heureux pour obliger Miss Sanville, elle ne sera pas surprise que je cherche à m'obliger moi-même. » Et si mon projet n'obtient pas l'approbation de celle pour qui il était formé, je l'abandonne, puisque de tous côtés j'y trouve du désavantage. Nous gardâmes tous deux le silence pendant un moment. J'aurais été fâché de voir échouer un plan qui rompait si efficacement les mesures du capitaine, et en même temps je ne voulus point désobliger Sir Clément. Peut-être, sans les remontrances de Madame Mirvan, aurais-je accepté sa proposition sur le champ. Cependant, comme il insistait sur une réponse, je lui dis d'un ton ironique, « J'aurais cru, monsieur, que la haute idée que vous attachez à vos services suffirait pour vous dédommager, mais puisque je me suis trompé, il faut bien que je vous en remercie moi-même. En voilà assez, j'espère, pour vous contenter. » « La plus aimable des femmes, » reprit-il, « mais je ne lui laissais pas le temps d'achever et me retirai promptement. » Miss Mirvan ne tarda pas à m'informer que Sir Clément venait de recevoir une lettre qui l'obligeait à partir sans délai, que sa chaise était même déjà commandée. Je crus devoir la mettre au fait des raisons qui donnaient lieu à ce prompt départ. Je n'ai point de secret pour cette aimable fille, et c'est de bien bon cœur que je l'ai choisie pour ma confidente. Au dîner, nous nous aperçûmes tous de l'absence de Sir Clément, car malgré la légèreté de sa conduite à mon égard, je dois avouer qu'il est de bonne société et d'un commerce agréable. Le capitaine surtout est désolé d'avoir perdu le compagnon de ses exploits. Il ne dit plus le mot. Madame Duval, au contraire, qui commence à reparaître en public, est enchanté de ne plus voir un de ses puissants antagonistes. On nous a rapporté l'argent que nous avions laissé en dépôt chez le fermier. Combien de peines et de soins il doit en avoir coûté au capitaine pour tramer cette entreprise scandaleuse. Mais il court grand risque d'être découvert. Madame Duval a reçu ce matin une lettre de M. Dubois, et elle est fort intriguée de ce qu'il ne parle pas de son emprisonnement. Jusqu'ici, elle s'imagine que son ami a ménagé ce silence de peur que sa lettre ne fût interceptée. Je n'ai pas trouvé une seule fois l'occasion de demander à Sir Clément des nouvelles de Mylord Orville. Il me semble qu'il n'aurait bien pu dire un mot de son propre chef. Il est singulier aussi que Madame Mirvan n'ait pas pensé à s'informer de ce cavalier, auquel elle a fait cependant une attention particulière. Maintenant, toutes mes idées se tournent involontairement vers cette réponse que nous attendons de Paris. La visite de Sir Clément a du moins contribué à me distraire, dans un moment où j'avais besoin de dissiper mes chagrins. Je dois donc lui savoir gré de ce qu'il a si bien pris son temps. Adieu, mon cher monsieur.